Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du plaisir de se retrouver encore à la maison. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce pendant ce temps. Dieu a été avec nous pendant l'Assemblée générale. Je crois que ceux qui écoutaient les informations ont su que nous avions commencé l'Assemblée et puis il y avait des troubles. Au niveau du comité, nous avions notre rencontre le jeudi matin lorsque on a appelé le pasteur pour lui dire que la ville était un peu mélangée. Bon, nous ne comprenons pas très bien et c'est à la suite de cela que nous avons su qu'il y a eu une altercation entre un gérant de kiosque et puis un jeune qui avait été tué. Bon, donc la ville semblait assez mouvementée et nous étions un peu à l'écart et tout semblait s'être résolu parce que le jeudi tout semblait être bien. On a commencé notre assemblée générale le vendredi, nous avons fini et c'est au moment où on s'apprêtait à manger qu'on entendait les coups de feu et on nous a dit « Ah, la ville est mélangée encore ». Donc il y a certains qui, ceux qui logeaient en ville, ils étaient obligés de rester pour dormir avec nous au niveau de la mission parce que ce n'était pas prudent. Avec cette situation qui est arrivée. Et c'est après que nous avons su qu'il y a eu encore 5 autres morts. Et la situation était devenue comme une situation de conflit entre les Siamou et les Dagara. Parce que celui qui a fait la chose était celui qui est un Dagara. Donc vous voyez un peu, les gens avaient déjà commencé à... Bon, pourtant vous savez qu'il y a beaucoup de Dagara dans la zone là-bas. Les gens qui ont leur champ, certains sont des travailleurs, donc la situation n'était pas assez simple. Bon, bien que ces ethnies soient des ethnies qui, souvent, ils ont la parenté à plaisanterie, vous voyez, brutalement, on a laissé tomber toutes les valeurs, et du coup, c'était déjà un problème. Bon, nous disons merci à Dieu, à cause du fait que les uns et les autres ont intervenu, mais il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Et lorsque la situation a dégénéré, nous étions en assemblée, en réunion au niveau du comité, lorsque Bala a appelé pour dire que, ah, est-ce que en tant qu'église, on ne va pas essayer d'intervenir? Bon, vous voyez que ce n'est pas simple. Vous ne connaissez pas les aboutissants, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Donc, nous avons dit, nous allons dans la prière. Nous avons pris suffisamment de temps dans la prière et au milieu de la journée du jeudi, les choses s'étaient un peu calmées. Donc, je crois que cela attire notre attention. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu touché pour choisir le thème de mon message ce matin. Mais avant d'aller dans le message, je voudrais faire une petite clarification. Il y a eu une présentation qui a été faite, je crois qu'elle a été faite à moitié. À moitié en ce sens que Winnie ne nous a rien dit. Je vais demander à la sœur de se lever. Voilà. Ok. Comme Winnie s'est caché, vous connaissez le pasteur, j'aime dire les choses clair, clair. Ok. Lève-toi. Vous te levez. Voilà. Bien. Donc la sœur, c'est l'amie de Winnie. Et je vous ai dit à plusieurs reprises que vous ne savez pas que des gens sont derrière. Vous allez vous rendre compte au moment où c'est déjà réglé. Donc, nous disons merci à la sœur. Vraiment bienvenue. Et que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que vous priez pour les pas qui ont déjà été faits, parce que des pas ont déjà été faits. Je vous informe, des pas ont déjà été faits. Donc, pour cela, je demande de continuer à prier. C'est ce que le pasteur dit toujours, non? Ou bien, c'est parce que je dis, beaucoup de gens vont être surpris parce que l'année 2019, là, il y aura au moins 5 mariages. Et vous allez dire, ah, pasteur, pasteur, pasteur. Et puis je vous dis aussi que Dieu bénit, parce que vous ne comprenez pas. Quand j'étais à Orodara, Samgar m'a appelé. Il dit, ah pasteur, nous avons eu un bébé. J'ai dit, gloire à Dieu. Samgar a eu son bébé, Samba et sa femme ont eu leur bébé. Et le lendemain, c'est Aimé qui essaie de m'appeler, il ne me gagne pas. Après, je finis par l'appeler, puis je dis, est-ce que c'est bon? Il dit, oui, pasteur, c'est bon. Bon, Elisabeth a eu son bébé. Ça fait deux garçons. Vous avez vu? Est-ce que ça ne fait pas plaisir au cœur d'un pasteur comme moi? Ok. Ceux qui sont derrière, continuez à rester derrière. Et je voulais dire à Ebenezer aussi, Dieu a son temps. Ebenezer a failli accuser Noé, comme si c'était lui qui faisait qu'elle ne pouvait pas avancer dans son travail. Mais je vous dis, Noé pouvait rester derrière? Non. Noé est venu, elle a continué, et voilà, Noé aussi a bénéficié. Donc, il faut dire merci à Dieu en toutes choses. En toutes choses, il faut remercier Dieu. C'est nous qui ne comprenons pas souvent les situations. Nous pensons que telle situation bloque telle autre. Dieu a son temps. Et le temps de Dieu est différent de notre temps. Il faut que nous comprenions cela. Voilà, ça a dû faire des années dire gloire à Dieu. Tu as eu assez d'expérience, toi aussi tu as vu des choses. Quelqu'un d'autre se trouverait dans cette situation. Il va dire, bon, si la grande sœur Ebenezer a pu tenir, moi aussi je peux tenir. Donc, ne considère pas cela comme une mauvaise chose. Si vous avez regardé même cela comme une chose difficile, c'est sûr que tu n'allais même pas te marier. Elle dit, finis tes études avant de te marier. Est-ce que tu allais avoir à temps et puis Noé ici? Bon. Et le docteur n'allait pas avoir lui aussi son doctorat et autre chose. Donc, ça fait deux docteurs dans la maison. Dieu merci. Dieu a son temps. Continuons toujours à remercier Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses belles en son temps. Donc, ce matin, je voudrais partager ce thème qui est « L'Éternel est ma sécurité ». L'Éternel est ma sécurité. De ce que nous avons vécu à Ouagadougou, en regardant à cette ville qui était une ville, bon, je peux dire, assez calme, et brutalement, tout tombe. Et on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne comprend pas très bien. Bon, je ne sais pas ceux qui vivent à Ouagadougou, est-ce que vous avez l'habitude d'imaginer Ouagadougou 100 jours de marché? Bon, moi, à cause du temps que j'ai fait à Ouagadougou, les premières années que j'ai fait à Abidjan, souvent j'avais des ennuis parce que quand samedi arrivait, dans ma tête, c'était le jour du marché. Et j'ai dit, oh, aujourd'hui c'est la foire à Ouagadougou. Ma femme et les enfants, ils m'ont dit que papa, toi aussi. Il y a longtemps qu'on a quitté Ouagadougou. Je dis oui. Mais le jour de samedi, c'était un jour différent des autres. C'est tout, tiens-toi. Ok. Le samedi n'a rien à voir avec les autres jours. C'est vraiment un jour différent. Et ça, quand on y vit et qu'on se trouve un samedi et il n'y a rien, tout est plat. Les gens même circulaient avec peine, puisqu'il y avait eu un couvre-feu entre temps. On se dit, mais est-ce que c'est la même ville? C'est la même ville. Si on regarde tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens voulaient? C'était une certaine sécurité. Mais, humainement, de la même manière que l'humain est limité, tout ce qu'il a comme système est également limité. Quelqu'un qui n'était pas bien, on est allé informer la police à plusieurs reprises pour qu'on l'arrête, pour qu'il y ait la paix. Ça n'a pas été suivi. Et ensuite, c'est lui qui tue quelqu'un, il va se cacher, et la police qui, selon ses règles, doit protéger tout individu qui vient dans son enceinte, ils essaient de l'emmener loin, et puis on vient, on dit, il faut le donner, on saccage tout. Et ensuite, on revient, vous voyez, d'un mort, on ajoute encore cinq autres. Tout cela parce que, qu'est-ce que les gens veulent? On veut la sécurité. Regardez autour de nous. Tout ce que nous avons, en tant qu'humain, c'est ce que nous cherchons toujours. On met des murs autour de nos maisons pour une certaine sécurité, n'est-ce pas? Si votre maison est sans mur, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. On met des portes avec cadenas, des gros trucs. C'est pour éviter qu'on ne vienne nous voler, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous habillons quand il fait froid. Nous nous habillons bien. C'est une manière de nous sécuriser. C'est pas cela? Nos moyens de locomotion, nous faisons tout pour sécuriser. Et tout ce qu'on met sur la route, ces panneaux de signalisation, ces signes et autres, c'est pour la sécurité toujours, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons la sécurité? Je pose la question. Est-ce qu'on l'a? Ok. Vous pouvez bien circuler, aller comme on l'a demandé, suivre tout, mais vous n'allez pas être dans la sécurité quand même. Même la nourriture, je crois que nous ne mangeons pas n'importe quoi, c'est ça? On évite si on veut avoir une santé convenable, on évite de manger du n'importe quoi. C'est ça? On dit même, il faut éviter de prendre un excès de sucre, de sel, de ceci, de cela. Nous faisons tout. Regardez à la vie humaine, tout ce qui nous entoure, nous croyons, nous pensons à la sécurité. L'école qu'on fait, on veut qu'un jour on ait un diplôme, après le diplôme on ait du boulot, on est sécurisé sur le plan financier. C'est pas cela? Donc tout ce que nous faisons en tant qu'humains, la majorité du temps, je crois que nous regardons toujours à cette sécurité-là. Mais ma question, est-ce qu'elle est là? Surtout dans notre contexte aujourd'hui, en tant que Burkinabé, est-ce que la sécurité est là? Est-ce que ce sont des hommes qui peuvent l'amener? Est-ce que ce sont du matériel armé des gens qui peuvent l'amener? Est-ce que c'est changer de lieu? Ça, c'est nous. Et regardez ailleurs aussi, en dehors, dans le monde entier. C'est la même problématique, c'est le même problème posé. Est-ce que la sécurité, comment on peut l'avoir? Pourtant, quand on regarde la définition de la sécurité, c'est quoi? Quelqu'un peut tenter de me donner une définition de la sécurité? Oui? Kassa? Être à l'abri de tout danger, qu'il soit physique, quel que soit, voilà. C'est être à l'abri de tout danger. Et on essaye. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut ajouter à cette définition-là. C'est ne pas être en contact avec danger. Et vous voyez, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes essaient de mettre des systèmes en place. On vous parlera de la sécurité civile, on vous parlera de la sécurité sociale, on vous dira que pour ceci et cela, dans certains, on met des systèmes en place pour que vous puissiez être dans une certaine garantie quand arrive le danger, que vous ayez, par exemple, une certaine assurance, si le danger est là, que vous puissiez vous en sortir. Mais ça n'empêche pas que le danger soit là. Et puis cette sécurité, est-ce qu'on peut l'avoir indéfiniment? C'est la question que je pose. On peut l'avoir indéfiniment? Hein? On peut l'avoir indéfiniment? Non! En fait, c'est comme la santé. Vous l'avez un bon bout de temps, et puis après, il y a une maladie qui est là, ensuite, vous remontez. En fait, c'est comme ça. Ce sont des va-et-vient. Et la parole de Dieu est pleine de gens qui ont aussi expérimenté cela. Et mon partage ce matin va se situer sur deux psaumes. La première partie, c'est dans le psaume 91, les deux premiers versets. Je vais demander à quelqu'un de lire dans français courant. On a dit que c'est la version du pasteur. Je suis d'accord. Psaume 91. 1, 2. Le titre, c'est « À l'abri que les dieux très haut. » Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Merci. Il y a deux mots assez importants dans le verset 2. Il a dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Un refuge, par définition, c'est un abri où on se place pour se protéger contre le danger, n'est-ce pas? Si on dit le refuge, c'est le lieu où on se sent en sécurité. Et il ajoute l'autre mot, ma forteresse. Bon, peut-être aujourd'hui, qu'on n'a pas, avec tous nos moyens, on ne regarde pas la forteresse comme quelque chose d'important. À l'époque où il n'y avait pas tous ces moyens destructifs comme ces bombes et autres, la forteresse était un lieu construit avec suffisamment de matériel et lorsqu'on s'y trouvait, on était en sécurité. N'est-ce pas? C'était quelque chose d'assez solidement bâti. Bon, aujourd'hui, ça ne tient pas parce que avec des explosifs, on fait partie de la forteresse. Mais derrière le mot forteresse, ça veut dire que des moyens ont été mis suffisamment pour que, lorsque vous êtes là, que vous soyez en sécurité. Et d'ailleurs, il précise, il se repose. Et lorsqu'on parle de repos, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a boulot? Quand on dit repos, c'est tout le corps, non? On se repose physiquement et puis on n'a pas besoin de réfléchir, aller loin, on est à l'aise. C'est vraiment la quiétude totale. Et il regarde à l'Éternel. Il le considère comme son refuge et aussi sa forteresse. Il se confie en lui. Donc, en se confiant en lui, on a cette assurance-là. Ce n'est pas que le danger ne sera pas là, mais une fois que vous êtes dans le refuge, vous êtes à l'abri. Une fois que vous êtes dans la forteresse, vous pouvez dire au danger, il n'a pas parti, parce que vous êtes arrivé chez vous. Je vois souvent l'exemple des enfants. Chez eux, ils ne parlent pas en termes forteresse, mais ils parlent en termes chez eux. Dehors, lorsqu'il est loin de la maison, on peut le frapper. Mais des fois, quand ça chauffe, il va où? Il court vers la maison. Et j'ai souvent vu des enfants, dès lors qu'ils arrivent devant la porte, ils disent que je suis arrivé à la maison. Et puis, ce retour te fait face. Je vous pose la question. C'est pas le même enfant? C'est pas le même enfant? Il n'a pas changé de taille? Mais vous voyez, où il est arrivé, ça c'est chez lui, c'est son territoire, et il sait qu'il aura du soutien. Et souvent des mamans qui voient les enfants courir à toute allure, ils savent que c'est parce que ça a chauffé dehors. Et même si elle est loin, elle l'appelle et puis lui demande, c'est quoi? Donc le monsieur qui suivait va s'arrêter à la porte. Parce qu'effectivement, quelqu'un à l'intérieur a parlé. C'est l'assurance. C'est la garantie. Vous voyez, ça c'est humainement. Ça c'est simple avec les enfants. Même nous aussi, en principe, quand ça chauffe à la maison, quand ça chauffe dehors, lorsque vous arrivez à la maison, il y a une certaine sécurité. Ou bien, des fois, on ne se limite pas au salon, on va jusqu'au fond de sa chambre. Et quand on est là-bas, voilà, on se croit en sécurité. C'est pas cela? Parce que vous voyez, cette image-là, c'est comme chez moi, il y a la sécurité. Et c'est ce qui doit être la norme. Bien que chez certains, ce n'est pas la sécurité qui est là-bas. Ce n'est pas vrai? Il y a des gens qui préfèrent se mettre dehors. Ils pensent que c'est là-bas qu'il y a la sécurité. Bon, si vous ne vous entendez pas bien avec madame, c'est clair que chaque fois que vous rentrez, il y aura des histoires. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est là notre refuge. Voilà. Parce que c'est ensemble qu'on peut parler avec Dieu. C'est ensemble qu'on peut demander son soutien. Donc la forteresse ou encore le refuge, c'est quand même assez important. Et c'est important pour chacune de nos vies en tant qu'enfant de Dieu. Le psalmiste a vu en l'Éternel, en qui il a placé sa confiance, cette garantie de la sécurité. Et en allant au psaume 27, tout le psaume du premier verset jusqu'au 14, nous voyons le roi David qui parle, il s'adresse à Dieu. Pourquoi? Parce que ce roi, il a vécu des situations difficiles, n'est-ce pas? Nous qui lisons la Bible, nous savons qu'il a vécu beaucoup de difficultés. Mais parce qu'il s'est toujours confié à l'Éternel, il n'a pas agi comme il voulait. Il a souvent fui devant un adversaire qu'il pouvait affronter, n'est-ce pas? Il a eu des occasions où il pouvait se venger. Mais parce qu'il avait la crainte de Dieu, il ne l'a pas fait. Et au psaume 27, il nous explique beaucoup de choses. Et je voudrais que nous lisions ce psaume-là. Le psaume 27. Si quelqu'un peut nous lire. On va lire le verset 1 au verset 6 d'abord. Psaume 27. Quelqu'un peut lire dans la version du pasteur? Psaume 27. Oui. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Verset 2. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés qui se retrouveront par terre. Si une armée vient s'assiéger, je n'ai plus aucune peur. Si la bataille s'engage contre moi, Même alors, je me sens en sécurité. Verset 4. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Verset 5. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Verset 6. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et je célébrerai le Seigneur. Amen. Voilà une prière de confiance. David parle avec confiance. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Nous connaissons l'importance de la lumière. Avec elle, on voit tout et on peut connaître le chemin convenant qui mène où nous voulons aller. S'il y a des difficultés, des obstacles, avec la lumière, nous pouvons éviter tout cela. Il dit, il est sa lumière et son salut. Ça veut dire quoi? Sa vie dépend de l'Éternel. Et je pense que ce qu'il a vécu, les dangers desquels il est sorti, il a vu comment Dieu l'a conduit. Si l'Éternel est sa lumière, il ne peut pas marcher sans l'Éternel. Il ne peut pas marcher sans être sous la direction de l'Éternel. Nous qui sommes les chrétiens du Nouveau Testament, nous avons cette grâce, que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit, l'Esprit de Dieu qui nous dirige, l'Esprit de Dieu qui nous avertit. Mais comment est-ce qu'il peut nous conduire, nous diriger, nous avertir si nous ne sommes pas prêts à le considérer? David savait qui était l'Éternel pour lui. Et c'est ce qu'il nous faut pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher n'importe comment. Le danger, souvent, on ne le trouve pas dehors. Le danger est souvent même, vient nous trouver à la maison. Ou bien, je pose la question, c'est pas vrai? Le danger ne vient pas nous assaillir? Si! On a tellement de moyens qui mettent le danger même sur nous. Je vous donne un simple exemple avec ces enfants qui sont tout le temps avec leur portable dans l'obscurité. Ils n'ont pas une lumière assez suffisante. Ça vous donne quoi? Plus tard, ils ont des problèmes avec leurs yeux. Or, vous savez que l'œil est important. Hein? Si vous ne voyez pas bien, c'est foutu. Mais voilà des gens qui usent leurs yeux à force de tout le temps être dans l'obscurité en train de... Nous, on n'avait pas eu cette chance-là quand on était des enfants. Il n'y en avait pas. Ou bien? Bon, je peux dire que nous étions à l'abri de cela parce qu'on n'avait pas ce danger-là. Portable, on ne connaissait pas. Le seul qui avait, c'était le téléphone avec fil. C'est ça, non? Est-ce que ça joue sur les yeux? Et vous les avez ri. Ah, mais vous voyez, ça ne joue pas sur les yeux. Bon, oui, la lampe à pétrole, mais vous n'avez pas la lampe toute la journée. Vous êtes à l'abri quand même. Bon, je ne parle pas de ça seulement, mais on a nos ordinateurs aussi. C'est pas cela? Nous qui sommes tout le temps devant l'ordinateur, ça joue sous nos yeux, non? Ou bien Paul? Je parle de Paul de France. Les ordinateurs, là, ça ne joue pas sous nos yeux. Je vous assure que si vous passez, il y a des moments où, si vous passez un long moment devant l'ordinateur, quand vous levez, vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le sentez, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Vous allez le sentir parce que dans la tête, tout, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces tablettes et autres, c'est avec nous. Le danger est sur nous. Et même ces portables, on nous explique des vibrations et tout ce que ça a comme complication. Est-ce qu'on écoute? Nous écoutons? Non. Voilà, vous avez le danger avec vous. C'est vous qui l'avez acheté. Mais vous l'avez acheté? Il est avec vous partout. Regardez ces fils électriques et autres dans nos maisons. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un être électrocuté? On dit d'être prudent avec de... Si vous avez les mains mouillées, ne touchez pas à ceci et cela. Ça vous prend. Le danger est avec nous. Ou bien quelqu'un il a posé le morceau de savon devant. Vous n'avez pas vu. Vous glissez. Vous faites quoi? Une fracture. Le danger n'est pas avec vous? Si! C'est avec nous à tout moment. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire? Si l'Éternel est notre lumière, je crois que nous aurons la direction. Une bonne mère de famille dira toujours aux enfants de ne pas poser les choses n'importe où. C'est parce que là, il faut les ranger. C'est ça? Ce qui ressemble au couteau et autres qui piquent, il y a un lieu où on les place. Vous savez qu'en y mettant la main, on le fait avec prudence. C'est pas ça? Mais si vous laissez, on jette n'importe où, quelqu'un va être dans le danger. Voilà ce que les gens font. Quand on a quelque chose de chaud, on ne va pas avec la main prendre comme ça sans prendre un chiffon. C'est pas cela? Bon. Donc voilà, ça sont des mesures. Et Dieu peut vous ouvrir vos yeux même au moment T où vous vous apprêtez à faire la chose qui va être dangereuse. Immédiatement, vous retirez votre main et vous dites, ah, il faut la précaution. Vous arrêtez. Parce que il est effectivement celui qui aide. David a compris cela. Et c'est ce qu'il faut pour chacun de nous, dans notre vie, surtout dans ces moments où le danger est un peu partout. Même la sécurité de nos engins. Est-ce que c'est parce que vous avez bouclé que vous êtes en sécurité? Moi, je pose la question. Vous êtes en sécurité? Non. Si ce n'est pas l'Éternel qui protège, tous les moyens que vous allez mettre en branle ne vont pas marcher. J'étais à Djibougou pendant mon séjour. Quelqu'un est venu, il est rentré, il a laissé sa moto dehors avec la clé. Et puis, quand il est rentré, j'ai dit, oh, je vais parler comme ma femme. Il dit que c'est quoi? J'ai dit, tu laisses ta moto avec la clé dessus. Ça, si tu as donné au voleur, il dit que, ah, que Djibougou est différent de Ouaga. J'ai dit, oh. Moi, je rentre souvent dans la maison, ma femme dit, tu n'as pas enlevé la clé de la moto. J'ai dit, mais quand même, c'est dans la maison. On dit, il faut enlever. C'est la prudence, non? Mais voyez, ça sont des attitudes d'imprudence. Et après, vous sortez, vous trouvez qu'on a pris. Voilà, c'est comme si vous avez donné au voleur. David a compris cela. Alors, David dit, lorsqu'il est dans le danger, que ce soit de façon individuelle, qu'on vient vers lui, ou bien que ce soit une troupe, il n'a pas d'inquiétude. La raison, parce que l'Éternel est avec lui. Humainement, cela ne se comprend pas très bien, mais nous savons que Dieu est celui qui défend ses enfants. Si tu es protégé, même qu'il soit une armée, vous êtes à l'aise, tu es à l'aise. Qu'il soit seul contre toi, tu es à l'aise. Parce que la forteresse est sur toi. Le refuge, tu es dans le refuge. Donc, c'est lui qui combat pour toi. La parole de Dieu, quand on lit l'Ancien Testament, combien de fois Dieu a secouru les Israélites? Ils n'ont même pas combattu. Des fois, il leur a dit simplement de chanter. Si on vous dit à vous de chanter et puis Dieu va vous libérer, vous allez dire que ça sont des histoires. Ou bien, aujourd'hui, on va calculer, on va dire non, quand même, vous aussi. Ça dépasse les limites. Chanter et puis Dieu va faire quelque chose, ben quand même, c'est de la folie. Ou bien, c'est pas de cette façon que la guerre se mène. Mais Dieu le fait. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Que vous soyez à l'abri. Qu'il permette à l'ennemi de ne même pas vous voir, de changer de chemin. Lui, il connaît les voies par lesquelles il peut passer pour que vous soyez protégé. Il peut venir et ne pas vous trouver. Il peut arriver et ne voir que tout est sombre et il n'y a plus rien. Il peut arriver et chercher en vain son adversaire. Il peut même se trouver devant son adversaire et un grand bruit ou quelque chose va l'épouvanter et va faire demi-tour et repartir. Dieu a les moyens. Comment il va faire, nous, ce n'est pas notre inquiétude. Mais nous savons que Dieu peut le faire. Donc, le roi David, ayant expérimenté cela, dit que lui, ce qu'il aurait aimé, c'est demeurer dans la maison de l'Éternel toute sa vie. Parce que c'est là-bas, il voit, c'est là-bas qu'on a la sécurité, c'est là-bas qu'on peut louer Dieu, c'est là-bas qu'on a la paix, là-bas on peut avoir le repos. Je peux dire, c'est d'une manière aussi imagée, parce qu'il sait qu'il ne peut pas rester là-bas toute sa vie. Mais rester là toute sa vie veut dire être en connexion perpétuelle avec Dieu. Si vous êtes en connexion perpétuelle avec Dieu, quel que soit le lieu où vous êtes, Dieu va s'adresser à vous. Dieu va vous parler et Dieu va vous communiquer. S'il y a un danger, son esprit va encore vous diriger. Est-ce que dans nos vies quotidiennement, souvent, il n'arrive pas que nous perdons cette connexion? La connexion, c'est souvent quand on dit, bon, on est à la prière, prions. C'est pas ça? Ok. Ou bien la connexion, c'est quand on dit, bon, on est à l'église, allons-y. Nous compartimentons notre vie. Je ne pense pas que ça soit la bonne manière. Nous pouvons, dans tout ce que nous faisons, être toujours en connexion avec Dieu. On peut le faire. On peut le faire. Sa parole est avec nous. À tout moment, on peut l'avoir. Je crois que je vous ai déjà partagé ce témoignage. Nous étions allés en Afrique du Sud et on nous a logés dans une famille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans cette famille-là, ils ont les versets de la Bible partout. Vous n'avez pas un coin où il n'y a pas de verset de la Bible. C'est-à-dire, ça frappe tellement les yeux. À la cuisine, au salon, devant, partout, c'est collé. Et c'est une famille. Ce sont des Blancs. Ils ont vécu sous l'apartheid. Ils étaient jeunes. Ils ont grandi. Et pour pouvoir surmonter ces difficultés-là, ils ont adopté deux petits enfants noirs. Ils avaient déjà trois enfants. Ils ont adopté deux petits noirs ajoutés pour réellement vivre une vie de chrétien. C'est-à-dire sans apartheid qu'eux, ils ont connu. Où il y avait une séparation nette. Et quand on veut leur parler, ils disent, ne parlons plus de cela, nous avons tourné la page. Tout, partout, vous avez partout des versets bibliques. C'est collé et ça attire. Vous ne pouvez pas rentrer sans regarder. Donc, regardez par exemple, tu es en train de laver, voilà le verset qui est devant toi. Tu veux ou tu ne veux pas, tu ne vas pas lire? Tu vas lire. Et le monsieur, le chef de famille, il ne peut pas dire deux mots sans citer la Bible. S'il dit quelque chose, il appuie avec la parole de Dieu. Et c'était fantastique. Moi, j'ai regardé, je dis, oh, moi, je suis pasteur, mais je n'ai pas encore atteint ce stade-là. Hein. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est quelqu'un qui, quand vous le voyez, il vit. Il veut vivre ce qu'il est en train de lire dans la parole. Il le fait. On peut le faire. On peut être connecté à Dieu à tout moment. Même dans son travail. On peut même se trouver bloqué et se rendre compte que, ah, allons, demandons à Dieu de la sagesse. Et vous revenez, vous êtes débloqué. David voulait cela. Et c'est ce que nous devons chercher. Dans la dernière partie, c'est-à-dire du 7 jusqu'au 14, nous voyons que David se rappelle d'une chose. Il sait que cette sécurité dans laquelle il peut se trouver, cette sécurité va être troublée. Qu'il veuille ou pas, la sécurité va être troublée. Alors, il commence déjà à prier encore et à demander à Dieu. Et c'est ça. Vous pensez que si Dieu nous donnait tout et on a tout du coup, est-ce qu'on va repartir vers lui? Moi, je vous pose la question. S'il nous donne tout du coup, est-ce qu'on va repartir vers lui? Quand ça, tu iras vers lui encore? Non. Moi, je crois que c'est parce qu'on se trouve dans les moments, dans les besoins qu'on repart vers lui. Et on reçoit la satisfaction du besoin, on le remercie. Mais on sait que ce qu'on vient d'avoir, il y aura encore d'autres problèmes. Nous avons mangé ce matin pour ceux qui ont eu la chance de manger le matin. Est-ce qu'à midi, on ne va pas manger? Eva, tu ne vas pas manger à midi? C'est sûr que tu as quelque chose que tu vas manger. Bon, si on finit de manger à midi, est-ce qu'on dit on ne mange pas la nuit? Pourtant, on a déjà mangé. Mais pourquoi on a besoin encore de manger? Vous voyez, notre corps exige cela. On a un cycle là. On a mangé, ensuite c'est broyé, on va jeter, c'est vide, on reprend encore. Et c'est ça qui est continuel. Ça exige ces efforts-là. Et avec Dieu, je crois que c'est nécessaire d'être comme ça. Il nous donne. Nous sommes satisfaits, mais comme nos besoins ne peuvent pas être totalement satisfaits, il y a encore un manque. Nous allons encore vers Dieu. Et nous le remercions pour ce qu'il a donné. Et puis, nous sommes dans le besoin, nous repartons vers lui. Et c'est ça, je crois, qui fait cette bonne relation entre des gens et leurs parents. C'est pas cela? Même quand on atteint un certain âge et qu'on est indépendant, on a encore besoin souvent de communiquer encore avec ses parents, là, n'est-ce pas? Nous qui avons un certain âge, demandez-nous. Vous allez dire, nous sommes des parents. Oui, mais il y a des moments où on a besoin de communiquer encore avec ceux qui sont nos parents encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous savons qu'eux, ils ont cette sagesse-là. Ou bien ils ont telle chose, ils ont telle information qui peut nous aider. Ne pensez pas que parce que nous sommes devenus des parents, on a des cheveux blancs, on n'a pas besoin d'aller vers les autres. Non. Et cela enseigne les enfants aussi à savoir qu'eux aussi, ils auront besoin de regarder à ces gens-là. On a souvent besoin de repartir vers eux. Dieu a fait cela. Et David le dit, son père et sa mère ne pourront pas toujours lui l'aider dans ce qu'il veut, mais il a l'assurance que Dieu, qui est son rocher, qui est sa forteresse, Dieu peut le faire. Et il termine en s'encourageant lui-même. Fortifie-toi en lui. Il vous est jamais arrivé de vous encourager vous-même? Jamais? Cela ne vous est jamais arrivé? Que vous parlez à haute voix vous-même? Ça n'arrive pas? Jamais? Ah! Parce que personne n'est à côté pour vous encourager. Mais vous avez besoin d'être encouragé. Dis-nous, bon, il faut que je continue. Hé, hey, continue! Bon, quelqu'un est loin, il dit, mais à qui il parle? Il n'est pas fou, il parle à lui-même. David a compris cela. Quand ça ne va pas, il ne faudrait pas baisser le bras parce qu'il a déjà vu Dieu agir et il se rappelle de ce qu'il a fait par le passé. Et je crois que c'est ce qui encourage qu'on peut continuer à aller de l'avant. On a passé par une épreuve, une autre est venue, on dit bon, on a pu passer déjà par ça. Donc cette fois-ci, ça va aller. Demandez à Ebenezer. Premier accouchement là, je ne sais pas comment elle a fait. Ou bien Ebenezer? Bon, elle a dû dire beaucoup de choses. Elle a trop dit. Bon. On lui a dit de patienter, elle dit non, c'est déjà arrivé. Elle a duré là-bas, elle a souffert. Mais cette fois-ci, là, est-ce que quelqu'un l'a conseillé? Non. Elle-même, elle a compris qu'il fallait attendre. Voilà de l'expérience, c'est ça, non? Bon, rhume que le monsieur, comme Noé a, ça ne l'inquiète pas comme mon ami attend. Voilà, parce que maintenant, elle a l'habitude, elle sait que non. Le rhume là, le type va ouvrir la bouche, il va respirer par la bouche. Donc, voilà l'expérience. Voilà. On a déjà vécu et on se dit, voilà. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous nous rappelons souvent de cela. Cette confiance qu'on a en lui, qu'elle ne s'ébranle pas. Si nous passons par la difficulté, si nous passons par l'insécurité, qu'on ne dise pas, il nous a oubliés. Non, il ne nous a pas oubliés. C'est une manière de nous encourager à encore aller vers lui. Il est notre Père. Il ne dira jamais, trop c'est trop, je ne peux plus. Non, nous avons cette grâce qu'il a toujours quelque chose pour nous donner. Il est toujours prêt à nous écouter. Et c'est pourquoi David dit, aie pitié de moi, écoute ma voix. Quand je vais venir vers toi, exauce-moi. Voilà, devant mon adversaire, exauce-moi. Et David avait raison. Il a compris, il sait que Dieu ne va jamais manquer d'être fidèle. Il est fidèle. Je voudrais que dans ces temps difficiles où l'insécurité est partout avec nous, que nous ayons cette assurance, comme David. Ne disons pas, ça ne va pas. Vraiment, c'est foutu. Pour nous, oui. Mais pour notre Dieu qui gère toute la terre, lui qui contrôle tout, les circonstances, qui sait ce qui va venir demain, nous pouvons toujours placer notre confiance en lui. Je voudrais que ce matin, nous puissions encore dire à notre Dieu, nous te faisons confiance, comme David a dit. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu demeures notre forteresse, tu demeures notre refuge. Dans toutes les circonstances, tu es là. Ne disons pas tu seras là. Il est là. Sa parole dit qu'il est là avec nous. Veuillez vous tenir debout, on va prier. Nous allons prier pour nous-mêmes, nos vies d'abord. Prions et disons à Dieu, nous avons cette assurance qu'il est là avec nous. Prions. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es là, Seigneur. Je n'ai pas d'inquiétude parce que, oui, comme David a dit, je ne crains aucun adversaire. Parce que toi, tu es déjà là. Tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui nous dirige, tu es celui qui nous conduit. Et tu es celui qui, éternel Dieu, oui, nous protège. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Parce que Seigneur, nous savons que tu es là. Merci. Rien n'est caché à toi. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Sois béni. Sois loué. Sois exalté. Sois magnifié, Seigneur, pour nos vies, dans tous nos déplacements, dans nos lieux où nous vivons. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour ce pays dans lequel nous sommes. On va demander encore à Dieu. Nous nous comptons sur lui. Nous avons l'assurance que lui, il est au contrôle de toutes choses. Nous ne regardons pas aux hommes, pas aux moyens, mais nous regardons simplement à Dieu. Disons-lui cela. Papa, merci. Ce matin, nous sommes encore devant toi avec notre pays. Oui, nous savons une seule chose. Oui, Seigneur. Toi, tu es celui qui est au contrôle de toutes choses. Rien ne t'est caché. Tout est entre tes mains. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te louons encore pour ce pays. Nous t'exaltons de ce que toi, tu es déjà au contrôle et que tu as déjà agi. Nous ne voyons pas, nous ne comptons pas sur les hommes, nous ne comptons pas sur les moyens. Nous comptons sur toi, parce que toi, tu es la sécurité. Oui, c'est en toi que nous plaçons notre confiance pour ce pays. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Merci pour ta bonté en tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais demander à Bruce de lever la voix et de dire merci à Dieu pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui donnes la sécurité. C'est en toi que nous avons confiance, Seigneur. Seigneur, depuis longtemps, tu es en train de protéger ton peuple, Seigneur. Depuis l'Égypte, Seigneur, tu as fait sortir ton peuple de l'esclavage, Seigneur. Tout au long de ces générations, Seigneur, tu es avec nous, tu es avec ton peuple. Aujourd'hui, nous avons cette confiance que tu es toujours avec nous aujourd'hui. Seigneur, sois avec chacun de nous ici. Sois avec notre communauté, Seigneur, que nous puissions, que le cœur de chacun soit assuré, Seigneur, de ta présence, de la sécurité que tu donnes, Seigneur. Sois aussi, Seigneur, avec tous ceux qui sont là dans notre pays, Seigneur, que ça soit ceux qui sont en train de commettre des actes de violence ou bien ceux qui sont en train de faire face. Seigneur, pèse le cœur de chacun, donne-nous la sécurité que seulement toi tu peux donner, Seigneur. Amen. Je vais vous asseoir.